Support. Ordinateur. Virus. Application. Alors pour moi, l'informatique, c'est mon projet professionnel. C'est un des projets que j'ai depuis l'âge de mes 5 ans. Codage. Électronique. Processeur. En gros, j'ai commencé à aller sur un ordinateur quand j'avais 5 ans. J'ai fait des recherches, j'ai fait des stages, j'ai fait stockage. Je me suis formé avec un de mes moniteurs où je suis à l'ESAT. Sauvegarde. Développeur. Technicien. Je vais tout faire pour réussir mon projet en tant qu'assistant technique informatique. Ordinateur. Support. Électronique. Virus. Application. Processeur. Codage. Codage. Codage. Codage.